mesurable que sale l'optise d'en demander. Un pour ta remède pour la monnaie. Les armes de guerre, on en a plus des années. Une petite peine à freine, je crois qu'il en fallait. Je suis mis sur le sec, je fume par la fenêtre. Check que ces fils de pute font la fête. Tous sont des fakes, ou je prends des becs. Mec, canon court, je les charge pour te mettre dans la tête. Salope, moi je suis en personne. Vite bâtard, on en reste perpète. Je dors au soleil et je disperse. Dans ma tête, je n'ai qu'une image qui se respecte. Bang, bang, bang, bang, quand on break. Bang sur ta putain des caisses, qu'il en reste. Ouais, ouais, parce que j'ai sorti la bête. Les yeux sur mon cache, t'as la tête dans ton break. Bang, bang, ouais, ouais. Oui, je viens d'un coin où la fin rend les gens inhumains. J'ai le cœur sur la main du soldat et demain tu nous baises, on va traquer jusqu'à la fin. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il est temps qu'il s'agit à la piste à Tupac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il est temps que j'en revienne prendre mes contacts. Oh no, oh no, oh no. Mon gros vole pas les dealers. Oh no, oh no, oh no. Le temps passe gros, pas la douleur. La rue c'est qu'on les baise. On nettoie nos petits, font les restes. Ma peine de deux ne fait qu'un test. C'est qu'on embrasse que des pièces. Salope. Voler, raide. Voler, faible. Calibre, j'presse. Dans la tête. Voler, raide. Voler, faible. Calibre, j'presse. Dans la tête. On est que des mères, on avait l'âge à ton petit frelon. Brassien plus que toi. Bébé, oui, j'ai bien grâce à moi. On va sur l'avenue Foch, s'acheter un nouveau toit. Frérot, chaque passe ou chaque liasse se font aussi vite que le vent. Rien n'est aussi fort que la force de Dieu. Rien n'est aussi rouge que le sang. Avant, je pouvais te couper la main pour un billet de sang. Aujourd'hui, c'est ce que je laisse en pour boire avec les innocents. Il croit peut-être qu'il faut dépenser dans ce monde pour être un boss. Range un lit sous pour ces putes. Ils peuvent aller à tes gosses. Yo gros, yo gros. Yo gros, j'suis le best, gros gros et la veste. C'est pas ce que fait l'homme, mes potos n'accepte pas qu'on me blesse. Bless, bang, le sang place un pied sur la veste. Bless, bang, le bâtard retrouvé ton adresse. Oh no, oh no, oh no, mon gros vole pas les dealers. Oh no, oh no, oh no, le temps passe gros, pas la douleur. La rue c'est qu'on les baise, on étonne, nos petits font les restes. Ma peine de deux ne fait qu'un tête, c'est qu'on embrasse que des pièces. Salope. Voler,